Pour 20? Ah, les grizzlies, en principe, ils les bouffent crus, les poulets, hein. Il s'appelait Max, ton poulet? Il est libre, Max. Il est libre. C'est du Tchernobyl là, chez toi là-bas.